Dendo, the captain of the platinum voice, the top choice. From Manhattan over Japan and all points, magnificent like contrary to all. Besoin d'infos, envie de retrouver un titre diffusé, découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. Backstage, les coulisses du son. En couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusque 10h30, Scream, pour l'émission Backstage. Et aujourd'hui, on a décidé, enfin, j'ai décidé de vous parler d'un big groupe, mais vraiment un big groupe. Et ils ont sorti plusieurs albums, mais j'ai choisi un album qui est sorti en 1980, qui a retourné toute la planète. Et avant de commencer, on va s'écouter le premier titre directement, comme on dit, hein, au premier son de cloche, ben vous allez reconnaître automatiquement de quel groupe il s'agit. C'est parti les amis. Thank you. Voilà, donc vous avez pu reconnaître hein, ce groupe. Hein. Il s'agit bien entendu de AC/DC. Et là, c'était Hell's Bells. Donc on va vous parler, bien entendu, comme vous avez pu le deviner, de l'album Back in Black sorti en 1980. Donc pour ceux qui auraient habité, comme je vous le dis, sur la planète Pluton, eh ben, AC/DC est un groupe de hard rock australo-britannique formé à Sydney en 1973. Par les frères Angus et Michael Young. Bien que classé dans le hard rock et parfois considéré comme un pionnier du heavy metal, les membres du groupe ont toujours qualifié leur musique de rock'n'roll et je suis d'accord avec eux, je dirais même avec une touche un petit peu plus bluesy aussi quand on entend certains solos d'Angus. Le son, la tonalité, et bon, aussi, c'est dû aussi à sa Gibson SG. Alors, la composition d'AC/DC suit beaucoup de changements avant la sortie du deuxième album en Australie, TNT, en 1975. Il est ensuite resté inchangé jusqu'à ce que Mark Evans soit remplacé par Cliff Williams en 1979, le groupe connaît un succès mondial avec le tube Highway to Hell. Le chanteur et coparolier Bon Scott meurt le 19 février 80. Après, bien entendu, il y a l'air Bon Scott, mais on va commencer dans l'ordre, bien entendu. Donc, Dave Evans, il est resté au sein du groupe de 1973 à 1974. Le groupe joue en public pour la première fois dans un club de Sydney du nom de Checkers, le 31 décembre 1973. Il signe plus tard avec le label Albert Production, le distributeur DMI pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. À cette époque, la formation est instable au niveau de la batterie et la basse. Trois bassistes et cinq batteurs se succèdent pendant l'ère de Dave Evans, qui dure moins d'un an, vous imaginez. Cependant, cette période, qu'Angus Young adopte son caractéristique uniforme d'écolier comme costume de scène. L'idée vient de sa sœur Margaret. Angus a aussi essayé d'autres costumes comme les déguisements de Spider-Man, de Zorro, de Gorille ou un déguisement de Super Hung, parodie de Superman. Au début, la plupart des membres du groupe ont leur propre costume, mais cette idée est abandonnée lorsqu'ils découvrent qu'un notre groupe local a déjà adopté cette idée. Seul Angus garde son costume. Le groupe fait paraître son premier single, King Still Next to You Girl, enregistré en avril 1974. Les frères Young jugent Dave Evans comme un chanteur inadapté au groupe, l'estimant mieux calé en matière de glam rock style de Gary Hitler. Sur scène, Dave est parfois remplacé par le premier manager du groupe, Dennis Loughlin, l'ancien chanteur du groupe Sheetbreed. Dave ne s'entend pas avec Loughlin, ce qui contribue au ressentiment du groupe envers Dave. Je vous parlerai après de l'air Bon Scott. Là, on va s'écouter un deuxième titre et on va s'écouter Shoot the Thrill de AC/DC. We'll be right back. Ça déboîte bien quand même, hein. Shoot to Thrill, c'était bien entendu AC/DC, donc album Backstage d'aujourd'hui, 1980, Back in Black. Alors, Bon Scott de 1974 à 1980, en 7 ans, 1974, Ronald Belford alias Bon Scott, un chanteur expérimenté et ami de George Young, remplace Dave Evans. Comme les frères Young, Bon Scott est né en Écosse et immigre en Australie pendant son enfance. En novembre la même année, le groupe enregistre son premier album High Voltage avec Malcolm Young, guitare rythmique, Angus Young, guitare solo, Bon Scott au chant, George Young à la basse et Tony Curinti à la batterie. Cet album est produit par George Young et Harry Vanda, anciens membres de His Beat. L'enregistrement de l'album prend seulement 10 jours et il est basé sur des morceaux instrumentaux des frères Young auxquels Bon Scott a rajouté des paroles. L'album sort en février 1975 uniquement en Australie. La sortie de ce disque amène le groupe à faire une tournée dans tout le pays. À la suite de l'enregistrement de cet album, plusieurs changements interviennent au niveau de la basse et la batterie, jusqu'à ce que le groupe recrute Phil Rudd à la batterie et Mark Evans à la basse. Michael Browning devient le manager du groupe en décembre 1974. Et en 1975, il compose le single It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, qui devient leur hymne du moment. Et aussi, c'est souvent repris quand vous allez voir, par exemple, Saxon en concert, il commence toujours par ça. La chanson est incluse dans leur deuxième album TNT, paru en décembre 1975, uniquement en Océanie. L'album comprend deux autres chansons classiques, High Voltage et TNT. En 1974 et 1977, aidé par des régulières apparitions dans l'émission Countdown de la chaîne australienne Molly Meldrum, dirigée par le groupe audiovisuel ABC, AC/DC devient un des groupes les plus populaires en Australie. Après leur performance du 3 avril 1977, il faut attendre plus de 20 ans pour les voir faire une nouvelle apparition télévisée en direct en Australie. Malgré cette popularité, le groupe ne peut pas faire son concert prévu à Wellington en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement de ce pays qualifie de la musique d'AC/DC de pollution sonore. Le groupe lui répondra en 1980 sur l'album Back in Black avec le morceau Rock and Roll Hot Noise Pollution, ce qui se traduit par Rock and Roll n'est pas une pollution sonore. En 1976, le groupe signe le contrat avec le label Atlantic Records et participe à une longue tournée européenne. Les membres y acquièrent l'expérience de concert en faisant la première partie des groupes comme Rainbow de Richie Blackmore et de Deep Purple, Black Sabbath, Aerosmith, Kiss, Styx, The Blue Oyster Cult et Enco. Donc cet album est une compilation de leurs deux premiers albums australiens composés de deux chansons issues de High Voltage et de sept chansons issues de TNT. La même année sort l'album Dirty Deed Done Dirty Ship. L'album existe en deux versions, une pour l'Océanie et une pour l'Europe. Entre les deux versions, la pochette et la liste des titres sont différentes. De cet album ne sort qu'aux États-Unis qu'en 1981, époque où laquelle le groupe est à l'apogée de sa popularité. Let's Be Rock sort en mars 1977 en Australie et en juin en Europe. Bien que sorti en pleine ascension du punk Angleterre, l'album est très bien accueilli en Europe et devient un grand classique de l'histoire du rock à la suite de cette tournée européenne qui suit l'album. Mark Evans quitte le groupe et est remplacé par Cliff Williams. Je continuerai après sur Bon Scott. Là, on va s'écouter le troisième titre avec What Do You Do From The Money Honey, donc AC/DC Black Album Back in Black, pardon, 1980. Riding in a Voilà, c'est donc AC/DC, What Do You Want For Money Honey, donc DC. Alors, on continue hein, avec Bon Scott. AC/DC poursuit sa tournée américaine, principalement en ouverture des groupes comme Rayo, Speedwagon, Kiss, Rush, Black Sabbath et Van Halen, ou dans des petites salles. Le groupe s'attire de nombreux problèmes du fait qu'il vole régulièrement la vedette aux groupes de deuxième partie. Ces dernières ne... devant que ramasser les miettes, ce qui forge à une solide réputation au jeune groupe jusqu'à ce qu'il passe en deuxième partie pendant la tournée européenne qui suit. AC/DC fait figure de tête d'affiche. Toutefois, le groupe ne peut achever la tournée européenne de Let There Be Rock à la suite d'une dispute entre Malcolm et Geezer Butler, le bassiste de Black Sabbath. Et AC/DC doit se retirer de la tournée malgré l'amitié que porte Ozzy Osbourne à Bon et Angus. Cela ne leur empêche pas de faire un triomphe aux États-Unis, notamment lors du concert de Kiss à New York. Angus chauffe la salle en première partie à tel point que l'ambiance est ennuyeuse durant le passage de Kiss. Et AC/DC influence certains groupes de la New Wave of British Heavy Metal qui émergent pendant la fin des années 1970, comme Saxon, parti en réaction au déclin de groupes de heavy metal traditionnels au début des années 1970-1978, sort Power Rage. L'album suit le modèle établi par Let There Be Rock et marque les débuts du groupe avec le bassiste Cliff Williams sur des riffs hard. Cet album n'obtient cependant pas de succès commercial du précédent album. Seule une chanson de cet album sort en single, Rock and Roll Damnation, et se classe 24e dans les charts américains, la meilleure place atteinte par le groupe dans un classement américain à l'époque. Il s'agit d'ailleurs de l'album préféré de Keith Richards, le mythique guitariste des Rolling Stones, qui ne manque pas de faire la promotion à maintes reprises, ce qui permet au groupe de se populariser davantage auprès des fans de rock. Cet album est durant les années 2000 considéré comme une partie des fans comme l'album le plus sous-estimé du groupe. Le concert du groupe à l'Apollo Theater de Glasgow en Écosse pendant la tournée de Power Rage est enregistré et sort la même année en tant qu'album live intitulé If You Want Blood, You Will Got It. Il s'agit de la dernière production de Harry Vanda et de George Young aux côtés de Bon Scott. Les producteurs Vanda et Young sont écartés au profit d'Eddie Kramer du groupe Kiss et de Led Zeppelin. Pour l'enregistrement de Highway to Hell, le groupe se trouve insatisfait de ses derniers producteurs et demande son remplacement de Robert Lunge. Robert Lunge donne AC/DC un son plus rempli, tout en gardant un tranchant qui fait son succès. L'album sort en juillet 1979 et connaît un véritable succès dans le monde. En fait, AC/DC, un groupe incontournable de hard rock. L'album atteint la 17e place au classement américain et le premier album d'AC/DC à entrer dans le top 100 des pays. Au début de l'année 1980, le groupe commence à travailler sur son prochain album le 19 février 1980. Bon Scott, après une soirée fort arrosée à Londres, au Royaume-Uni, se fait raccompagner par un ami, Alistair Keener. Bon Scott, endormi dans une Renault 5, aurait été, d'après les déclarations de Keener à la police, absolument impossible de réveiller. Keener, plutôt que de ramener Bon Scott chez lui, aurait alors décidé de l'emmener à son propre domicile, espérant qu'il se réveillerait durant le trajet. Le chanteur dormait toujours. Une fois arrivé, Keener l'aurait laissé dans sa voiture fermée. Le lendemain matin, Keener serait descendu le chercher. En trouvant le chanteur encore endormi, l'aurait emmené à l'hôpital où les médecins auraient constaté son décès. Son décès est dû à une asphyxie causée par ses propres vomissements. À la cause officielle est classée comme intoxication alcoolique, est mort par accident. Malgré des investigations, les enquêteurs n'ont jamais réellement trouvé les raisons premières ayant causé la mort. Il peut s'agir d'une overdose de drogue, d'un coma éthylique, d'une hypothermie étouffante, dans ses vomissements, on n'en sait rien. De nombreuses incohérences et de ces circonstances douteuses feront douter certains fans qui ont élaboré plusieurs théories, dont une seulement, lequel Keener n'existerait pas, mais serait le pseudonyme adopté par quelqu'un de l'entourage du chanteur qui ne voulait pas se faire connaître et qui n'a d'ailleurs jamais été clairement identifié sous ce nom. Après, je vous parlerai de Brian Johnson. Là, on va s'écouter le quatrième titre, Giving the Dog a Bone, d'ici d'ici. Voilà, donc Backstage consacré à AC/DC 1980 pour l'album Back in Black. Et là, c'était le titre Give the Dog a Bone. Alors, on continue après donc la mort de Bon Scott. Il y a Brian Johnson depuis 1980. Donc, tandis que le décès de Bon Scott aurait pu marquer un coup d'arrêt de la carrière d'AC/DC, le groupe décide de continuer. C'est le chanteur Jordi Brian Johnson que Bon Scott a rencontré en 1971 lors d'une tournée commune entre GROD et Fraternity au Royaume-Uni et qu'ils estimaient entre eux d'être un très bon chanteur, pardon, qui va le remplacer. Le groupe lui propose de se présenter à une audition à Londres et il choisit tout de suite. En juillet 1980 sort Back in Black, moins blues que Highway to Hell, toujours produit par Robert Lange. Cet album débute par le son de cloche de Hell's Bells, un hommage à Bon Scott. Il y a dans l'album de grands succès repris depuis dans toutes les apparitions scéniques du groupe, comme la chanson Hell's Bells, Back in Black, You Will Shock Me All Night Long ou encore Shoot the Thrill. En 2010, Back in Black reste le deuxième album le plus vendu au monde avec plus de 50 millions d'exemplaires vendus, juste derrière l'album Thriller de Michael Jackson et devant The Dark Side of the Moon de Pink Floyd qui est le troisième au classement. Même si l'album composé et écrit en seulement 3 semaines est vivement critiqué par les fans de Bon Scott, il obtient d'excellentes critiques et se classe 73e au classement des 500 meilleurs albums de tous les temps du magazine Rolling Stone. L'album est numéro 1 dans certains pays comme l'Australie, la France et le Royaume-Uni et numéro 4 aux États-Unis. Et AC/DC collectionne alors les prix, récompenses, titres honorifiques et première place désormais. Et AC/DC fait des spectacles encore et toujours plus spectaculaires avec une cloche en bronze de plus d'une tonne frappée d'un AC/DC et d'un Hell's Bells en référence à la première piste de l'album. Même si l'album est un succès pour le groupe, Brian connaît des débuts plus difficiles avec les fans de la première heure, particulièrement en Australie, qui sont alors partagés quant à l'orientation choisie par le groupe. Une partie des anciens fans considèrent en effet AC/DC qu'ils auraient dû arrêter. Le succès continue en 1981 avec la sortie For Those About to Rock, We Salute You, toujours avec Robert Lange. L'album contient 2 des singles du groupe qui s'étaient les mieux vendus, Let's Get Up et la chanson éponyme For Those About to Rock, qui sont respectivement classés 13e et 15e au Royaume-Uni. L'album est un gros succès commercial et critique, même s'il tient mal la comparaison face à son prédécesseur Back in Black. For Those About to Rock est le premier album du groupe à atteindre le numéro 1 aux États-Unis. La tournée Cannon on Bell en 1982 met en scène des canons de la guerre de sécession. Brian commence à se faire aimer des fans qui n'avait jusqu'à là pas accepté le nouveau chanteur du groupe. Avec cette tournée, il est désormais lié à AC/DC. On vous parlera après justement de l'album Back in Black. Là, on va s'écouter Let Me Put Your Me Love Into You de AC/DC. Voilà, let's me put my love into you. Et c'est d'ici, bien entendu. Alors, on poursuit. Donc, je vais vous parler, comme je vous avais dit, de Back in Black. Hein, fatalement, c'est le backstage consacré à cet album de 1980. Après la mort de Bon Scott le 19 février 1980, Back in Black est le premier album d'AC/DC est enregistré avec le chanteur Brian Johnson, comme je vous disais tout à l'heure. Cet album est couramment considéré par les croyances populaires comme un hommage à Bon. Cependant, il existe un enregistrement de la chanson Back in Black chantée par Bon Scott. Le producteur Robert Mudd Lange avait déjà travaillé avec le groupe pour l'album précédent Highway to Hell. Les enregistrements ont eu lieu au studio Compass Point à Nassau dans les Bahamas et au studio Electric Lady et de New York où l'album a également été mixé. Hop, je prends mon autre feuille, hein, voilà. L'album a été remasterisé pour la première fois en 1994, de nouveau en 1997 pour les versions américaines du coffret Bonfire, puis en 2003 comme la quasi-totalité des albums d'AC/DC. La pochette de l'album est entièrement noire et y figure simplement le nom du groupe et le titre de l'album en caractère blanc. Pour le vinyle et la réédition CD de 2003, les noms du groupe et les titres de l'album sont noirs, mais le nom du groupe est gaufré, blanc et le nom de l'album est en relief. Ce noir symbolise le deuil du groupe et à la suite du décès de Bon Scott, la chanson Hell's Bells, Back in Black et Have a Drink on Me parlent. Leurs paroles rendent également hommage à Bon Scott. Avec un total de ventes estimé à 50 millions d'albums, il est le deuxième album le plus vendu de tous les temps. La Recording Industry Association of America l'a certifié 22 fois disque de platine, ce qui correspond à 22 millions d'albums vendus aux États-Unis, ce qui en fait le cinquième album le plus vendu de ce pays. En dépit de son énorme succès, ce n'est pas l'album d'AC/DC ayant atteint la meilleure position des charts américain et atteignant la quatrième place des albums suivants. For To The Book To Rock a atteint lui la première place en 81 comme je vous le disais tout à l'heure, comme aussi l'album Black Ice qui était sorti en 2008. Les clips vidéo, le groupe enregistra 6 clips vidéo pour l'album à Breda aux Pays-Bas, Back in Black, Hell's Bells, What Do You Want For Money, You Shock Me All Night Long, Let Me Put Your Love Into You, Rock and Roll of the Noise Pollution. Ces clips sont des basiques prestations du groupe. Les clips de Back in Black, Hell's Bells, What Do You Do For Money Honey et Rock'n'Roll of the Noise Pollution, ainsi que le clip vidéo de You Shook Me All Night Long en 1986 filmé pour l'album Who Made You sont sortis en DVD Family Jewels en 2005. Le clip vidéo original pour You Shook Me All Night Long est sorti sur le coffret Back Track en 2009, le clip vidéo de Let Me Put My Love Into You reste inédit, mais peut-être vu sur YouTube. Alors les titres, Hell's Bell, Shot the Thrill, What Do You Do For Money Honey, Give to the Dog Boone, Let Me Put My Love To You, Back in Black, You Show Me All Night Long, Have a Drink on Me, Shake Leg, Rock and Roll and the Noise Pollution. Le groupe à cette époque, c'était Brian Johnson, Angus Young, Michael Young, Cliff Williams, Phil Rudd. Les producteurs, c'est Robert Judd, John Mutt, alias Mutt Lange, Benji Abrahamsinder, qui était l'ingénieur son assistant, Bob Derfin, Robert Ellis, Bob Lungwin, Barry Diamond, Ted Jensen, George Marino, Tony Platt, Brad Simulson et Jack Newber. L'album est sorti le 25 juillet 1980. Il a été composé en avril, de avril à mai de 80. Il est sorti chez Epic Lady Studio. Il a été enregistré donc au Electric Lady Studio et à New York aux États-Unis. Il dure que 42 minutes. Il est considéré comme du hard rock. Il existe sur le support vinyle, CD, cassette audio. Auteur Brian Johnson, compositeur Angus Young et Malcolm Young. Producteur, comme je vous l'ai dit, c'est Mudlunge. Et il est sorti sur l'album Atlantic Records. On va s'écouter le titre éponyme de l'album Back in Black. C'est tout de suite, c'est maintenant et on se retrouve tout de suite après. I'm Voilà, donc c'était Back in Black. Alors, je vais vous donner quelques caractéristiques, sur AC/DC. Hein. Les compositions du groupe sont des plus dans la pure lignée du blues et du rock'n'roll. Mesures binaires très appuyées chez AC/DC. Gamme pentatonique et solo de guitare. Les guitares saturées, le son Marshall, la voix grinçante et la hargne des morceaux rangeant AC/DC. Dans la catégorie hard rock. La musique des AC/DC est donc à cet égard empreinte de blues ainsi que dans les solos touch too much que dans les riffs de The Jack, Steve Humper Lips. La discographie des AC/DC est aussi particulièrement homogène au niveau de style. La musique du groupe évolue depuis sa formation, mais son orientation est restée la même. Les frères Young utilisent principalement des amplificateurs Marshall, des amplis Marshall GTM45 en studio et des Marshall SLP 1959 100 watts en concert. Angus Young a toujours était fidèle à sa Gibson SG, bien qu'il en utilise 25 modèles différents. Michael Young, lui, quant à lui, utilise la même Gretsch Jet Firebird avec micro chevalet raccordé directement à sa sortie jack, volume et tonalité déconnectés. Les chroniqueurs, les fans et les médias ont parfois qualifié la musique d'AC/DC de heavy metal, mais cette classification est sujet à controverse et je suis d'accord avec eux. Et mal entendu. Pour certains auteurs, il s'agit de heavy metal, tandis que d'autres nient catégoriquement cette classification. Moi, je suis d'accord avec eux, car ce n'est pas du heavy metal. Pour moi, c'est du bon rock'n'roll blues des AC/DC et pas du heavy metal. Voilà, alors... Des groupes ont souvent revendiqué leur appartenance à AC/DC, hein. Parmi des groupes qui ont été influencés par AC/DC, on retrouve Def Leppard, Guns N' Roses, Megadeth, Motley Crue, Rose Tattoo, Accept, Helix, D.A.D., Cinderella, Britney Fox, The Cult, Quiet Riot, Fatsoe, Poison, Twisted Sisters, Nazareth et plus récemment Jet, The Darkness, Danko Jones, Corritney, Trust, d'autres groupes sont même considérés par certains comme des copies des AC/DC, par exemple Crocus. Moi, je trouve que, en parlant de Crocus, que Mark Storas aurait pu remplacer au départ de Bon Scott Brian Johnson. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Je crois qu'il avait été approché d'ailleurs. Rhino Bucket qui comporte Simon Wright, un ancien batteur des AC/DC justement. Air Boone. Il existe également de nombreux groupes hommages à AC/DC comme Eazy-Head, Dixie ou ABCD. Voilà, on va s'écouter un titre qui s'appelle tout simplement « You Shook Me All Night Long ». We'll be right back. Voilà, donc c'était CDC avec You Shook Me All Night Long. Voilà, Backstage est bientôt terminé. Moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Restez bien branchés sur RQC 95 FM. Tous les jours de la semaine, du soir au matin, même le week-end, il y a de très très bonnes émissions. Là, aujourd'hui, c'était le Backstage consacré à AC/DC, l'album Back in Black, sorti en 1980, un album pharaonique. Moi, je vous le dis honnêtement, si vous ne l'avez pas, bah, ce qui m'étonnerait, on le trouve toujours facilement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'acquérir, c'est un putain de bon album. Bien rock'n'roll, un peu avec des touches un peu bluesy dans les solos. D'ailleurs, l'influence d'Angus, il ne s'est jamais caché de le dire, Chuck Berry. D'ailleurs, quand on faisait des interviews avec Angus, vous pouvez lui demander quel est le dernier album que tu écoutes. Bah, il dit Chuck Berry. Voilà, c'était du Angus. On va se quitter avec Have a Drink on Me. Ciao, ciao les amis, restez bien branchés sur RQC 95 FM. Ciao!